Bonsoir et bienvenue à Mandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, diffusée à CKUT chaque mercredi 19h au 90,3 FM. Au segment francophone de l'émission ce soir, nous diffusons une conférence publique intitulée « Crise et intervention étrangère au Mali. Que se passe-t-il au juste ?» organisé par le collectif Échec à la guerre le 11 avril dernier avec le conférencier invité Aziz Salmon Fall, politologue au groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara et président du centre internationaliste Stanley Breau Ryson, Fondation Aubin. Dans un conflit qui est beaucoup plus complexe et qui, pour moi, n'est pas en fait un conflit malien, ni un conflit interne au Mali, mais davantage ce qui préfigure en fait notre 21e siècle, la déliquescence du système multilatéral, la transnationalisation des enjeux, notre difficulté à pouvoir défendre comme citoyens du monde le bien commun, et surtout la grande difficulté de comprendre s'il est encore possible d'avoir l'internationalisme dans une ère transnationale. Le Mali, c'est le descendant de l'Empire du Ghana. Et l'Empire du Ghana, c'est une formation sociale immense basée sur l'or, mais où l'État était structuré, avec une structure et des modes de régulation, de véritables États, s'inspirant d'États encore plus profonds et beaucoup plus sophistiqués comme ceux de la Nubie, de Napata, de Kouch et de l'Égypte pharaonique. Et donc, le premier élément qu'il faut comprendre, c'est que l'occidentalocentrisme qui ne comprend pas l'existence de l'État qui le précède, c'est le premier élément qui nous empêche de comprendre la complexité des crises d'aujourd'hui, qui sont des bégaiements de l'histoire. La construction de l'Occident s'est faite dans un prisme où l'Orient a eu d'abord préséance. Et pour que l'Orient ait préséance, il a fallu que l'Afrique soit subjuguée, que Ghana soit effondré. Dans le commerce lointain de l'espace transsaharien, sont mis en rapport des peuples qui s'ignorent, mais qui sont en lien grâce aux populations amazighes, arabes, qui connaissent dans ces chemins de transhumance la magnificence des sociétés du Ghana. Et lorsque Ghana tombe et qu'il est islamisé et que l'Empire du Mali advient, c'est aussi toute la péninsule d'un immense espace, le même qui aujourd'hui est en train d'être repavé, qui s'étend de l'Orient, l'Asie mineure, jusqu'à Cordoue, jusqu'à l'Espagne, le sud du Portugal. Toute la péninsule de l'Afrique du Nord, tout le Sahel d'aujourd'hui. Et pendant 5 à 6 siècles, l'avènement d'États à caractère théocratique, sans lesquels on ne comprend pas les réflexes nostalgiques de l'islam politique, l'introduction des éléments de la civilisation en Occident même, les bases industrieuses de ce qui va nourrir le capitalisme. Et donc, la Reconquista, la découverte de l'Afrique, et plus tard de l'Inde, qui était en fait l'Amérique, c'est le moment de rupture dans lequel justement l'Afrique rentre dans cette période où elle va devoir servir la périphérie étant l'Amérique. Et cette situation d'esclavage de l'Afrique, c'est une situation où justement l'inféodation des régimes, des États, va permettre un esclavagisme autant arabe qu'un esclavagisme occidental. C'est cette période qui déchire cette ligne sahélienne et qui provoque des ressentiments de part et d'autre, mais qui continue de permettre des métissages. Et donc pratiquement jusqu'à l'orée du 19e siècle, il va y avoir des tentatives de créer des États théocratiques dans le bassin du fleuve Sénégal, dans tout l'espace du Niger, dans tout l'espace du sud algérien, dans tout l'espace qui s'étend jusqu'au Tchad, servant carrément même de frein et de collaboration à l'épisode colonial. C'est important de rappeler cela parce que on comprend maintenant davantage le terreau fertile une fois que le développement va commencer avec la colonisation, de ce qui va advenir dans le 20e siècle et le 21e siècle. Mais je tenais rapidement à revenir sur cela. De rappeler que ce Soudan français, qu'est le Mali, colonisé, qui va servir de supplétif à la colonisation française, les Maliens étant l'essentiel des fameux tirailleurs sénégalais qui vont aller jusqu'à Madagascar, en Algérie, en Indochine, faire ce grand hexagone qu'est la France. En fait, la dette morale que la France a, elle l'a à l'égard du peuple malien. Eh bien, ce Mali va être colonisé pour la gomme arabique, pour le coton. Sa main-d'œuvre étant davantage utilisée pour l'avènement de ce mode qui va faire la spécialisation internationale et qui va consacrer l'espace néocolonial français lorsque les efforts d'indépendance vont arriver. Il est très important de comprendre que des gens comme Garang Kouyaté, comme Lamine Senghor, que peut-être vous ignorez, qui étaient avec Barbrousse, avec Einstein dans les premières internationales, connaissaient déjà la plupart des éléments auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire le risque de l'impérialisme, la façon par laquelle l'autodétermination des peuples sera très très difficile. Et donc ils vont animer le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui voulait une confédération des États de cette zone. En lieu et place, la France avait prévu, en raison de la résistance algérienne, en raison de la résistance du RDA, la création d'un espace qui n'est pas sans rappeler celui de l'Azawad qu'on a aujourd'hui. Entre 1957 et 1959, Mesmer et De Gaulle mettent sur pied un véritable plan pour la création de cet État. Il est défendu par des Africains même, dont Houphouët-Boigny, député français, qui sera plus tard un des chefs d'État des micronations en Côte d'Ivoire. Il est donc important de rappeler ces choses-là, comme il est important de rappeler que lorsque le Mali advient, il advient dans le microcosme du RDA, c'est-à-dire une confédération entre le Sénégal et le Mali, et il est sabordé, cet effort, par la France, qui a déjà sabordé le seul pays de la sous-région qui a osé voter contre la loi cadre de fer de 1957, c'est-à-dire la Guinée, les Français allant jusqu'à imprimer des billets pour faire tomber l'économie guinéenne. Au bout d'une cinquantaine d'années, la France a intervenu plus d'une cinquantaine de fois militairement pour remettre en selle un régime, pour en renverser un autre, et créer cet espace qu'on a appelé la France-Afrique, qui est une nébuleuse extrêmement complexe, faite d'affairisme, d'enjeux militaro-stratégiques qui irradient le Quai d'Orsay, les Champs-Élysées, Matignon, mais surtout une nébuleuse encore plus complexe de francs-maçonnerie, de leaders africains qu'on appelle compradors, qui ont renoncé au développement de leur pays, subordonnant en réalité leurs intérêts aux intérêts de la France, intérêts qui sont absolument cycliques et passagers. Il faut donc comprendre que la France a toujours eu une attitude ambivalente vis-à-vis de l'OTAN. Oui, dans la foulée de rester pour défendre les intérêts de l'Empire, de l'espace occidental au sein de l'OTAN, mais très jalouse de la volonté de définir sa propre politique nucléaire, sa propre politique commerciale, sa propre politique stratégique. Et si on n'a pas compris cela, on ne comprend pas les nuances qui se sont déroulées dans la crise malienne. Toujours est-il que le Mali advient en arrachant son indépendance de la France et du Sénégal, gardant pour lui l'hymne national. Modibo Keïta, et je l'avais lu dans la conférence à laquelle mon ami Rémi m'avait invité, un petit passage qui est celui de Modibo Keïta, qui dit « Alors qu'il est, l'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Tessalit. » Qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens signés à Paris le 22 juin 1960 entre elle et la Fédération du Mali et que deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960 et l'acte de reconnaissance par la France du gouvernement du Sénégal, acte qui consacre la dislocation de la Fédération du Mali. À ce moment-là, le divorce est consommé entre le Mali le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vallée de la France et principalement Paris. Cet intermède sera de très courte durée. On est dans le contexte de la guerre froide, ça se comprend. Le non-alignement qui est proclamé à Bandung est très difficile à être concrétisé. Et en réalité, Modibo Keïta sait que ses jours sont comptés. Les rumeurs de coup d'État abondent, il va y en avoir. Et depuis, le Mali va être secoué de plusieurs tentatives de coup d'État. Le plus fatal amène l'avènement de Moussa Traoré. Modibo Keïta meurt à l'hôpital du Point G, son avocat aussi, dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées. Ce n'est pas le seul leader qui a essayé d'avoir une politique nationaliste, progressiste, qui est contrariée. En fait, l'Afrique a un cortège, et j'ai le plaisir de vous dire que nous lançons toute une série avec le CETIM, dont quelques exemplaires sont là-bas, Lumumba, Frantz Fanon, mais suivront aussi Ben Barka et bien d'autres, pour rappeler ses ancêtres de l'avenir, ceux qui ont voulu aller dans une ligne différente, antimilitariste, pour un développement autocentré et qui ont été contrariés. À partir de ce moment, le Mali rentre dans la gestion néocoloniale, c'est-à-dire un développement dont l'horizon est bloqué. Et à l'instar de la plupart des formations sociales africaines, ce développement va très très vite faillir puisque, comme vous le savez, l'ordre mondial n'a pas changé. Et donc, ce qui va arriver tragiquement, c'est l'échec du nouvel ordre économique international, l'avènement de la stratégie de l'endettement, et le Mali va être piégé comme tous les autres pays africains dans la stratégie de la dette. Dès le début des années 80, tous ces pays sont soumis aux ajustements structurels de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ce qui se traduit par le désengagement sélectif de l'État, qui va aller en s'accélérant. Et ce désengagement mine et fragilise l'État au point que tous les espaces de souveraineté sont bradés. Pour un pays comme le Mali, enclavé, c'est toutes ces ressources au niveau de la filière du coton, ces ressources naturelles, qui sont bradées. Son code minier est refait sur le modèle du code canadien. Ce sont des avocats canadiens qui ont fait ça. Et l'essentiel des mines africaines à la faveur de ces libéralisations vont tomber dans l'escarcelle des compagnies juniors, de nouvelles créatures qui apparaissent dans les années 80 à la faveur de ces libéralisations. Et c'est ainsi que le Canada, sans pensée coloniale en Afrique, se retrouve acteur majeur, première plateforme minière, du fait évidemment des redevances et des fiscalités avantageuses qu'Ottawa accorde aux firmes transnationales étrangères. Ce moment est un moment important dans la compréhension de la situation aggravée de l'économie du Mali, mais c'est aussi celui qui rappelle que le Mali est un pays qui va connaître très vite l'une des premières révolutions qui n'est pas sans rappeler celle de la Tunisie. Son leader est renversé. L'autocratie tombe sous la rue, mécontente des mesures, des étudiants affamés. La reprise est de courte durée. L'armée revient au pouvoir. Et celui qui vient au pouvoir joue un peu le rôle de ce que Sanogo joue aujourd'hui. C'est Toumani Touré. Il ne semble pas avoir d'ambition politique. Il veut restaurer la constitution, organiser des élections. Ce qu'il fait. Alpha Omar Konaré, qui arrive au pouvoir, ne parvient pas à faire beaucoup plus puisque l'essentiel des pays africains ont vu leur marge de manœuvre se restreindre considérablement. C'est plutôt la gestion de l'enlisement. Très peu ont la capacité d'aller au-delà des politiques d'ajustement structurel. Au contraire, la Banque mondiale met en œuvre des politiques qui cette fois s'immiscent directement dans les souverainetés des États. C'est-à-dire les dimensions politiques sont investies. Et donc les pays africains, non seulement souffrent de cette fatigue de l'aide, qui d'ailleurs est très mal nommée, mais ces pays-là deviennent littéralement sous perfusion. Et la gestion peu patriotique des deniers publics par ces élites compradores est plutôt la règle. Toute la période des années 90 est une période de pillage des ressources, d'expropriation sur tout le continent africain, alors que l'ère de l'apartheid avait laissé croire à autre chose. L'un des grands problèmes de l'État africain, c'est sa faible cristallisation. Et dans le cas du Mali, c'est un pays mosaïque. La question de l'autonomie des zones du Nord, c'est la même question qui frappe tous les pays du Sahel. C'est les difficultés d'intégration des minorités, la cristallisation et le partage nationaliste des retombées de l'État. Et là-dedans, ce qui arrive au peuple amazigh à travers toute l'Afrique du Nord ne fait pas exemption dans la zone du Mali et du Niger. Dans le cas du Niger, c'est beaucoup plus simple. La France doit tirer l'essentiel de son uranium pour son électrification. Le tiers de sa production vient du Niger. Donc la question est plus ou moins réglée. Et les tentatives de susciter et de soutenir des rébellions sont soutenues à même les différents courants de la France-Afrique en France. Et donc ce qui est arrivé avec Manu Dayak, les fondations Daniel Mitterrand, les différentes positions de la France, c'est une longue, longue histoire de soutien, de défection et d'autonomie. Il ne faut pas croire que ces populations n'ont pas leur propre agenda. Toujours est-il que la question de l'autonomie de cette zone, elle ressemble à toutes les questions d'autonomie. Elles doivent être regardées sous l'angle de l'autodétermination. Et une question beaucoup plus épineuse et ensablée depuis très longtemps, c'est la question du Sahara occidental. Ne l'oublions jamais. Un des derniers espaces de formation sociale où l'ONU a échoué à imposer ce référendum. Et donc, ce n'est pas l'exception que la question malienne. Ce qui est par contre beaucoup plus préoccupant, c'est pourquoi cette crise ressurgit à un moment où nous avons ce repavage étatique. C'est-à-dire pourquoi le Mali maintenant. Pour cela, il faut d'abord comprendre la double conjonction que fait apparaître au moment de la fatigue de l'aide, au moment où pompeusement la déclaration de Paris sur l'aide publique au développement essaye de créer des logiques de partenariat, non pas par philanthropie, mais parce que de nouveaux acteurs apparaissent et contribuent à une nouvelle façon de faire la coopération internationale. Des acteurs qui viennent des pays émergents, la Chine, l'Inde, la Malaisie, l'Indochine, mais aussi les supplétifs comme le Qatar et les Wahhabis, qui viennent profiter de la curée de l'espace de libéralisation et, à la grande différence des pays du cadre de l'OCDE, n'exigent pas de conditionnalité, payent rubis sur l'ongle, construisent les infrastructures. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de la coopération internationale, cette aide publique qui n'a jamais atteint le fameux 0,7% qu'avait exigé Pearson, est contestée par d'autres acteurs dont la croissance est beaucoup plus dynamique que les économies séniles du bloc occidental. Et donc la Chine, l'Inde font extrêmement peur, puisque à ce moment, elles ont accès directement aux ressources, remettent en question les pavages étatiques que les firmes multinationales juniors orchestrent dans ces espaces. Voilà pourquoi, lorsque on arrive dans la période des années 2000, c'est extrêmement complexe pour les pays de l'OTAN. D'une part, les leaders qui étaient devenus encombrants dans l'espace nord-africain, séniles, ne sont plus capables, malgré le fait qu'ils étaient les modèles, de gérer la rue. En Algérie, l'islam politique avait gagné. On a, à ce moment-là, instrumentalisé le conflit. Mais pourquoi ? C'est parce que très très tôt, l'islam politique est utilisé depuis pratiquement la nuit des temps, depuis la colonisation britannique par l'ordre occidental. Ce n'est pas nouveau, les frères musulmans sont eux-mêmes des créations des services secrets britanniques à cette époque en Égypte. Mais beaucoup plus intéressant, dans la péninsule séoudienne, peut-être que vous en souvenez, des jeunes radicaux ont essayé de prendre la Mecque et l'ont prise. Et n'eût été la puissance de feu des forces occidentales, ce qui a d'ailleurs permis la rénovation de la Mecque, c'est le système wahhabite qui serait tombé. Or, les pétromonarchies, tout le système occidental repose sur ces autocraties arabes. Et ce qui est intéressant, c'est la connivence qu'il y a entre les familles Ben Laden et le néolibéralisme américain et anglo-saxon lorsqu'il s'agissait de contenir le soviétisme et de prendre le pouvoir en Afghanistan, lorsqu'il s'agissait de contenir la talibanisation du Soudan. Rappelez-vous Hassan El-Tourabi agressé ici à l'aéroport de Pearson qui tombe dans le coma. Et plus tard, la brouille entre cette frange qui espérait de sa connivence avec le capital et le Pentagone, un retour d'ascenseur pour finalement bénéficier du pouvoir wahhabiste et qui ne voit pas cette aide arriver. C'est la même chose qui arrive à Saddam Hussein et c'est la même chose qui arrive à Ben Laden. C'est-à-dire, c'est une trahison du bloc occidental, l'Irak étant utilisé pour la guerre de l'Iran, Ben Laden étant utilisé pour faire tomber, grâce aux talibans, le système soviétique. Toujours est-il que ce qu'il faut comprendre, c'est maintenant l'instrumentalisation et le propre agenda de ces forces. La portion qui est ici, la portion de la déraison d'État, c'est lorsque arrive le ministre de l'Intérieur français et qui devient chef de l'État et qui est ami personnel de l'émir du Qatar. Le Qatar n'est pas dépeint comme un pouvoir obscurantiste. Au Qatar, les femmes peuvent travailler. C'est un wahhabisme différent. La diversification de l'économie, c'est par des économistes qui comprennent que le pétrole va finir un jour. Et donc, la diversification a réussi à être en imbrication avec le capital international. À Washington, à Paris, à Vienne, partout, les intérêts qataris fonctionnent sur le mode du prestige, le mode de l'armement et le travail de supplétif. Dans l'imaginaire, il s'agit de contenir l'Iran, une forme d'islam chimiste, dangereuse, sous la forme du Hezbollah aussi, et de créer une sorte de système de califat. Et c'est ce système de califat qui va être utilisé par l'entremise des Qataris pour financer, avec Sarkozy, par la Mauritanie, des groupes qui vont être de deux natures. Le premier, c'est une constellation d'États et de groupes, notamment Touareg, qui vont être financés et armés dans le cadre de manœuvres organisées par l'OTAN. Il s'agit en fait d'une douzaine de manœuvres. Le Canada va participer à Flintok 12 et 13, mais en réalité, ces manœuvres Flintok sont la série des manœuvres qui mettent en œuvre tout l'espace du Sahel et de l'Afrique du Nord. Jusqu'à cette période, c'est-à-dire jusqu'à 2008, au moment où l'AFRICOM, qui est la force d'interposition pour l'Afrique de l'OTAN, n'a toujours pas pris pied, qui est basée à Stuttgart, contrôle et forme les militaires maliens. Donc le chef d'État malien travaille main dans la main dans le travail antiterroriste. Comme Kadhafi, il lutte contre le terrorisme. Les mêmes éléments vont soutenir d'une main ces obscurantistes qui vont trahir Kadhafi et l'assassiner. Les mêmes vont être soutenus par l'entremise d'Abdelaziz de la Mauritanie et rentrer et former certains éléments du MNLA, former certains éléments de l'armée malienne, incluant le capitaine Sanogo qui renversera le régime de Touré à quelques semaines de la fin de son mandat. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de panier de crabe où on ne lit plus ce qui se passe en réalité. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque Sarkozy, convaincu qu'il va y avoir un retour d'ascenseur, perd les élections, les socialistes qui appartiennent à un autre cercle France-Afrique dispersent les cafards de l'autre France-Afrique. Dans une opération où les Maliens eux-mêmes, incapables, parce que comme tous les pays déstructurés, anémiés par les ajustements, incapables de se confronter à ces hordes qui sont descendues de Tripoli avec non seulement les munitions de Kadhafi, mais aussi celles qui avaient été livrées par la France à ce moment-là, eh bien, sont incapables de les contenir. Pire, un embargo est décrété par les pays amis de la France. En Côte d'Ivoire, sont stockées l'essentiel des armes qui auraient dû et pu permettre à l'armée malienne cette riposte. On est pratiquement autour du mois de décembre. Autour de décembre. Et donc, ce containment est très important parce que non seulement il va justifier l'incapacité de l'armée malienne, va expliquer l'implosion de l'armée malienne, va diviser la classe politique malienne, mais surtout va montrer pourquoi les pays africains eux-mêmes, en rang dispersé, n'osent pas aller se battre dans ce sort de Vietnam pour la bonne et simple raison qu'ils voient très très bien l'équilibre des forces et voient très très bien qui sont les parents. L'objectif ici, c'est de permettre une guerre qui justifierait l'invasion de l'Africom à partir de la Libye, le système de guerre militarisé par les clones. Pour vous donner une idée, le Pentagone a à peu près 50 drones au début des années 2000, il en a 7500 aujourd'hui. Alors les drones, c'est pratique, vous n'avez pas besoin de former un pilote d'avion, il ne tombe pas à l'ennemi, pas de prisonniers, pas de blessés, etc. Vous quadrillez un immense territoire à partir des bases de Djibouti, du Tchad, du Burkina Faso, de la Libye, de la Somalie, vous quadrillez toute la zone. Ce qu'il faut blâmer, évidemment, c'est l'incapacité des pays africains eux-mêmes, c'est-à-dire l'incapacité de l'Union africaine, le rôle de plus en plus militariste de pays, notamment comme l'Allemagne, qui pourtant nous avait habitués à mieux, qui, non content d'avoir une base américaine chez eux, accueille à Stuttgart cette base africaine et aujourd'hui forme, comme bien d'autres, les armées africaines. Donc vous avez une situation où les armées africaines sont non seulement formées par les forces de l'OTAN, sous-équipées volontairement, des États incapables de défendre leur souveraineté et surtout l'intégration régionale, des États qui n'ont pas de vision d'un espace continental, des États qui étaient pourtant souverains mais qui, en vertu de certains accords de défense, permettent à l'OTAN de passer, par exemple l'Algérie, qui, en fin de régime, constitue le dernier verrou qui n'est pas encore tombé dans l'escarcelle des forces obscurantistes. C'est pourquoi la question du Mali n'est qu'un des éléments de ce qui va se passer en Algérie. En fin de régime, déjà des éléments algériens, des services secrets, sont dénoncés dans l'affaire d'Ina Menas, mais aussi montrent qu'il y a une lutte à finir dans le pavage de l'Afrique du Nord. Donc il est très très important de s'attarder, et je suis sûr qu'il doit y avoir des questions sur le rôle de l'Algérie dans cette affaire-là. La classe malienne, dans une situation comme celle-ci, est éminemment divisée, puisque d'une part vous avez un pays qui est fractionné, et d'autre part le Trans-Saharan Counter-Terrorism, qui est en fait le prétexte de l'espace stratégique quadrillé par les forces de l'OTAN, permet de repousser la Chine, de repousser les autres acteurs émergents de l'espace de convoitise des matières premières. Il réaffirme d'une pierre deux coups l'espace géopolitique de la France. Et l'une des illustrations intéressantes s'est passée cette semaine. C'est le rôle du Tchad en République centrafricaine. En République centrafricaine, Bozizé est arrivé au pouvoir par la force. Les Français et ses parrains lui ont dit « Ben non, il faut que tu organises les élections. » Il a organisé les élections qu'il a gagnées. Son cercle politique lui a expliqué que les opposants, tu ne pouvais pas les traiter de façon trop démocratique parce qu'en fait, ils veulent te renverser. Pourquoi ? Parce que Idriss Déby, du Tchad, lui-même qui a permis cet immense corridor de pipeline qui siphonne le pétrole du Darfour jusqu'au golfe de Guinée, a été lui-même sauvé par la France contre des rebelles. Et donc aujourd'hui, c'est ce même Idriss Déby qui est derrière une partie du soutien de ces mêmes opposants qui ont été martyrisés par Bozizé et donc qui ont pris le pouvoir sous le nom de la SELECA, la République centrafricaine. N'oubliez pas, la République centrafricaine, c'est ce fameux espace qui était devenu un empire sous Bokassa, qui est passé de sergent à maréchal, puis devenu empereur, grâce à Giscard d'Estaing. D'ailleurs, c'est comme ça que Destin est tombé, si vous vous souvenez, le canard chaîné qui dessinait la tête de Giscard avec une forme de diamant, c'est-à-dire qu'il y avait le profit de l'emploi. Mais c'est intéressant parce que cette forme de France-Afrique, que l'on disait dépassée, l'Afrique de Foka, reconnaît à la faveur de ce nouveau redéploiement une seconde chance. Et donc, le président Hollande, aujourd'hui, est obligé de sortir de cet espace. Or, avant-hier, une nouvelle opération, qui s'appelle l'opération Gustave, je ne sais pas pourquoi Gustave, mais bon, s'étale dans la vallée du nord de Gao, après avoir fini de ratisser les Iforas et Tigargar, divise les observateurs. Est-ce que c'est la fin du travail de la France? L'objectif, c'est de découvrir les caches d'armes. La plupart des djihadistes se semblent être volatilisés. Ou est-ce que on va évidemment avoir des conflits qui vont s'éterniser, ce qui va justifier une présence prolongée de la France? Dans les circonstances actuelles, la France n'a même plus besoin de rester en réalité, puisque les supplétifs africains mis en place dans l'espace qui a été renettoyé peuvent très très bien gérer l'enlisement de la guerre. Puisque l'Africom va s'installer sur le continent, et voilà pourquoi ce 25 mai, à l'occasion de ce cinquantenaire, il est important que les Africains s'unissent pour empêcher que l'Africom ne quitte Stuttgart pour s'installer définitivement en Afrique. Mais voilà aussi pourquoi il faut réfléchir sur le rôle citoyen de l'internationalisme, de pourquoi est-ce que ce conflit nous touche aujourd'hui malgré son éloignement. Il préfigure non seulement la déliquescence de l'État, il préfigure la façon par laquelle cet ordre mondial veut l'Afrique sans les Africains. Et la meilleure illustration, c'est ce qui s'est passé au Congo. Le Congo, terre qui a servi non seulement de la colonisation du continent africain depuis le congrès de Berlin, terre qui a vu l'assassinat de Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, terre qui a vu l'assassinat de Lumumba, qui n'a jamais connu un instant de souveraineté et qui permet à nos modes de production et de consommation de vivre, que chacun de nous ait son cellulaire ou un ordinateur comme cela, sur le coltan exproprié aux populations. 6 millions de morts pendant les 10 dernières années. Aucune responsabilité de protéger réelle de zones de survol. Les 8000 personnes qu'on a dit être assassinées par Kadhafi, qu'on aurait pu facilement trouver dans la fossilisation sédimentaire dans le désert, n'ont jamais été trouvées. C'est comme les armes de destruction massive de Colin Powell en Irak. C'est cette instrumentalisation qui nous rappelle que nos droits citoyens doivent être absolument défendus. Que l'ONU, d'aucune façon, ne peut être un instrument d'instrumentalisation de l'OTAN. Que son mandat premier, c'était la paix. Et que la paix est le premier bien commun que nous devons défendre. Et cette paix, elle a été sacrifiée actuellement. Ce sont ses responsabilités, la défense du bien public international, la défense du bien commun, qui doit nous faire réfléchir sur l'importance d'une approche non militariste. Et voilà pourquoi des initiatives comme les autres doivent se multiplier. Non pas par simple pacifisme. Personnellement, je ne suis pas pacifiste, c'est-à-dire je ne tendrai pas l'autre joue. L'Afrique doit se défendre. L'Afrique doit apprendre à se défendre. Il y a déjà près de 20 ans, je proposais Africa Pax, une force d'interposition avec des casques blancs pour la médiation et l'interposition, et une force militaire, exactement comme Frantz Fanon l'a proposé, pour que l'Afrique puisse défendre ses ressources. Mais cette Afrique-là, elle n'existe toujours pas. Ce serait une Afrique panafricaine, que le jour où les Africains, et ce jour approche, s'uniront, le monde changera. Car les valeurs que la mondialisation, justement, n'a plus, les valeurs d'entraide, de solidarité, de commensal, le bien-vivre, la conception différente du temps, la xénophilie existe encore en Afrique, même si elle est en érosion, alors qu'elle se déshumanise ailleurs dans le reste de la planète. Et comme le montre Anne-Cécile Robert, l'Afrique apportera au XXIe siècle, au monde, ce qui fera sa mondialisation humaine, ou alors il n'y aura plus de mondialisation. Je vous remercie. C'était une conférence publique intitulée « Crise et intervention étrangère au Mali, que se passe-t-il au juste ?» organisée par le collectif « Échec à la guerre » le 11 avril dernier, avec le conférencier invité Aziz Salmonfall, politologue au GRILA. Vous écoutez Amandla, Une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite chaque mercredi à 19h sur CKUT 90,3 FM. Restez avec nous à l'écoute après la pause, le segment anglophone d'Amandla